Dernièrement, n'arrêtez pas d'obtenir des nouvelles sous forme de mise à jour pour Pou. La nouvelle salle où Pou peut parler, de la nouvelle nourriture, des vêtements ou des mini-jeux tels que Connect Pou font que bon nombre d'entre vous veut avoir ces nouvelles qualités dans le jeu. Le problème est que tout le monde ne sait pas comment mettre à jour le jeu. Nous recevons des commentaires qui demandent directement comment obtenir le hall ou les nouveaux mini-jeux. Il est normal que nous ayons une connexion Internet sur votre téléphone en permanence et que nous avons activé Google Play nous alerte mise à jour de toutes nos applications. Dans ce cas, nous devons simplement consulter l'avis et suivre les instructions. Mais bien sûr, il y a qui n'a pas cette connexion à Internet et vit de n'importe quel signal Wi-Fi. Dans ce cas, nous devons nous appeler directement à Google Play. Dans l'onglet Recherche Pou, nous avons marqué et nous nous dirigeons vers la version téléchargeable de la demande. Si nous l'avons déjà installée, nous donnerons l'option « Mise à niveau ». Cliquez-en et suivez les instructions et nous aurons notre Pou en ligne avec les dernières innovations. Tous jouent avec notre mascotte préférée.